Cette nuit encore, un rêve de toi me perfore. Ça fait tellement longtemps, c'est si loin, si vieux, et pourtant, le passé imparfait revient au présent. Comment faire pour vivre maintenant, sans le son de ton rire, sans ta peau qui me respire? Depuis alors, j'avance seul, avec ma joie de vivre pour linceul, par avant d'un cœur déshabillé, d'une âme à fleur de peau écorchée. De toi, je ne peux me défaire. J'ai mis deux mains de côté, je pense à hier, boomerang de mes souvenirs. Dans ma tête revient ton sourire, la soie de tes bras qui m'effleure, la douce mélodie du bonheur. Un jour tu as claqué la porte, toi l'eau douce et moi la mer morte. Noyé dans le sel des sanglots, je n'ai à présent que des mots à embrasser dans le noir, à caresser dans le dos. Tu es mon encre, mon boulet, mon fardeau. Tu es falaise, torrent, un ravin, toi qui jadis m'emmenais si loin. Ton regard est devenu flou, chaque pensée pour toi me rend fou. Je t'attends, mon nouvel amour, sans toi c'est gris et vide. Tout autour, tu me fais rêver, tu me fais peur, tomber dans l'océan du bonheur, pour mourir, noyé entre des bras câlins, en chantant aux étoiles des amants le refrain. C'est si bon, si doux, mais éphémère, rapide et furtif, comme un éclair. Métamorphose, je te cherche et je te poursuis. Attends-moi, ne pars pas, j'ai encore rêvé cette nuit.